France, au grand cœur, noble patrie, terre où naquit la liberté, travaille en paix, mère chérie, dans la joie de la tranquillité. Espoir de la France et des jours heureux, terre d'espérance des cœurs malheureux, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous jurons d'unir toutes nos volontés, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous jurons d'unir toutes nos volontés. Fière de ta grandeur, car ta clarté vive et féconde, partout rayonne de splendeur. Espoir de la France et des jours heureux, terre d'espérance des cœurs malheureux, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous irons d'unir toutes nos volontés, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous irons d'unir toutes nos volontés. Gloire et ton bonheur, les yeux fixés vers l'espérance de lendemain toujours meilleur. Espoir de la France et des jours heureux, terre d'espérance, de cœur valeureux, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous jurons d'unir toutes nos volontés, prête à tout offrir pour ta liberté. Nous jurons d'unir toutes nos volontés.